6-9 du week-end sur France Inter. L'actualité des sciences, les saventuriers avec vous, Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On parle ce matin de la survie de l'humanité, elle passe par l'intelligence des plantes. C'est ce que dit le chercheur que vous allez nous présenter ce matin. Il s'appelle Stefano Mancuso, il est professeur à l'université de Florence où il a fondé un laboratoire de neurobiologie végétale. Il est l'inventeur de cette nouvelle discipline scientifique. Son livre est un best-seller, son livre s'appelle « L'intelligence des plantes ». Il a été publié en 2013. Il a été traduit en 21 langues et il vient de sortir en français chez Albin Michel. Les plantes, dit Stefano Mancuso, n'ont pas d'yeux, n'ont pas de nez, n'ont pas d'oreilles. Elles sont pourtant capables de voir, de sentir ou d'entendre. Donc les plantes sont dotées de tous nos cinq sens et de beaucoup d'autres que nous n'avons pas parce que, par exemple, les plantes peuvent sentir les champs magnétiques, les champs électriques, les rayons chimiques qui sont des choses que nous, les animaux, ne sommes pas capables de sentir. Les plantes sont capables de percevoir les différentes ondes lumineuses, mais aussi nous avons découvert très récemment qu'il y a quelques plantes, une espèce qui s'appelle la Boca trifoliata, qui est en mesure d'imiter des feuilles sur lesquelles elle croit. Elle ne peut que voir la feuille pour arriver à faire ceci. Les plantes ont des capteurs, des feuilles jusqu'aux racines, des milliers de capteurs, vous dites. Les plantes sont incroyablement sensibles à tout type de paramètres physiques et chimiques. La raison est très simple. Comme elles sont enracinées dans le sol et qu'elles ne peuvent pas se promener comme les animaux, elles ne peuvent pas bouger, la seule possibilité pour les plantes de survivre est donc de sentir en anticipant ce qui change autour de soi. Toutes les parts de le corps de la plante est capable de sentir parfaitement l'environnement qui l'entoure. Et la traduction est assurée par Olivier Favier. Voilà, ce professeur s'appelle donc Stefano Mancuso et à l'entendre, les plantes seraient plus intelligentes que les animaux. Il le pense vraiment, il dit qu'elles ont une personnalité. D'ailleurs, ce chercheur un peu hors norme, il faut bien le dire, va dire bonjour tous les matins à ses arbres préférés. Stefano Mancuso nous propose de poser un regard différent en fait sur le monde végétal. Puisque les plantes, selon lui, elles voient, elles sentent, elles entendent et quoi d'autre? Eh bien, puisque les animaux, et nous en sommes, Eric, dorment, je lui ai demandé si les plantes, elles aussi, dormaient. C'est une très bonne question, parce que depuis l'époque des Grecs, il a été écrit que les plantes étaient capables de dormir. Et oui, nous pourrions dire que oui, mais d'un point de vue scientifique, le sommeil est quelque chose de très complexe sur lequel nous sommes en train de travailler justement durant ces années. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet? Les plantes sont... ai bambini normalmente le piante non interessano. Ne les intéressent pas beaucoup les enfants, les plantes par exemple. Les animaux sont plus intéressants. Les plantes sont un amore adulto. C'est un amour d'adulte, elles demandent un passage logique. Moi j'ai commencé à être intéressé par les plantes durant mes études de doctorat. Votre préférée si vous en avez une? Et donc à me piacciono tutte le piante. Moi j'aime toutes les plantes. Particolare predilezione per le piante rampicanti. J'aime bien les plantes grimpantes, prédilection. Elles me plaisent beaucoup parce que c'est une démonstration d'intelligence. Au lieu de croître avec un tronc et qui cherche la lumière, elles économisent de l'énergie en grimpant sur des supports qui existent déjà.